Nuit blanche sur ton cœur, nuit de couleur dans l'au-delà, sur les fleurs des couleurs, à l'intérieur des parfums. Si j'avais su que je chanterais, je n'aurais pas fait le chemin que j'ai fait. Le Playboy de Jacques Dutronc, je l'ai chanté aux enfants. À ma mère con, à mes grands-parents, on devrait offrir des roses aux enfants qui respirent des dissolvants. C'est si profond qu'on peut en perdre la tête. Sur les fleurs des couleurs, sur les bleus on a marqué fragile et on s'est reconstruit. Nuit blanche sur ton cœur, nuit de couleurs dans l'au-delà, sur les fleurs des couleurs, à l'intérieur des parfums. Si j'avais su que je chanterais, je n'aurais pas fait le chemin que j'ai fait. Dans les verres, on s'est noyé pour oublier, et on est reparti. Schiller et Bukowski, Miller et Tchaïkovski. Nuit blanche sur ton cœur, nuit de couleurs dans l'au-delà, sur les fleurs des couleurs, à l'intérieur des parfums. Si j'avais su que je chanterais, je n'aurais pas fait le chemin que j'ai fait.